Salut à tous et bienvenue sur le WB Japanese Radio Show pour la rubrique Copie non conforme. 5 covers et leur version originale à découvrir tout de suite. California Dreaming est le premier titre de cet épisode de Copie non conforme, interprété par les Suédois de Amazon. La version originale est des Mamas and Papas, paru en 1965. All the leaves are brown and the sky is gray. I'm up for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. If I was in LA, California dreaming. On such a winter's day, stopped into a church, I passed along the way. Well, I got down on my knees and I began to pray. You know the preacher like the cold, he knows I'm gonna stay. California, California dreaming on such a winter's day. Copie non conforme. Le deuxième titre de cet épisode de Copie non conforme est Logical Song de Supertramp, joué par les Américains de Eleven Story et paru en fin 2023. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, will they be singing so happily, joyfully, playfully watching me? But then they'd send me away to teach me how to be sensible, logical, responsible, practical. And they showed me a world where I could be so dependable, clinical, intellectual, cynical. There are times when all the world's asleep, the questions run too deep for such a simple man. Absurd, but please tell me who I am. Now watch what you say, or they'll be calling you a radical, a liberal, fanatical, criminal. Won't you sign up your name? We'd like to feel you're acceptable, respectable, presentable, a vegetable. At night, when all the world's asleep, the questions run so deep for such a simple man. Sounds absurd, but please tell me. Thank you. Copie non conforme. Le troisième titre de ce jour est interprété en version instrumentale par les Grenoblois de Lucky Dips. Il s'agit du thème Goldfinger de James Bond, chanté par Shirley Bassey. Oh, James. Of death from Mr. Goldfinger. Copie non conforme. Ce quatrième titre est une chanson en espagnol de la chilienne Violeta Parra et reprise par les autres Chiliens de Pettinelli en live. Como un chirito dolor. Enterraron la justicia, enterraron la razón. Y arriba quemando el sol. Si alguien dice que yo sueño cuento de ponderación, digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor. El minero ya no sabe lo que va. Copie non conforme. Le dernier titre de cet épisode de Copie non conforme est une chanson qui date de 1969 par Shocking Blue, reprise en 1989 par Nirvana sur l'album Bleach. Alors, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Copie non conforme. Salut !